Chapitre 2. À l'avant, deux hommes debout pèsent sur les avirons énormes, nageant vigoureusement contre le courant, et s'efforcent de maintenir la barque immobile à la même place pour que le filet, tendu comme un rideau à la traîne, reste immergé toujours droit. Les mâts sont couchés, les voiles repliées et roulées, toute l'embarcation rasée comme un ponton. À l'arrière du geste superbe et régulier du semeur distribuant le grain fécondant, Hervé Guivarc, de la main droite, puisant à pleine poignée dans un barillet placé à sa portée, jette à droite et à gauche la rogue, comme une semence précieuse, lancée au sillon de la mer, où elle doit germer aussitôt et donner une moisson instantanée. C'est au-delà des tas de poids, en face de l'anse de Dinan, au large, assez loin en mer, sur les 3 heures de l'après-midi. Un temps grisonnant, aux nuages ronds roulent en haut au-dessus de la mer, brumeuse par place, et, de temps à autre, éclairée d'un rayon de soleil qui traverse les voiles blanchâtres du brouillard. À peine une écume légère bouillonne autour de la chèvre et du chevreau, les deux écueils voisins de la pointe de Dinan. L'autre est calme à une teinte plate toute grise, d'un gris d'étain en fusion, zébrée çà et là d'une bande plus claire miroitante près des côtes. Au loin, un liquide laiteux, étrange, d'un vaporeux opaque, entre ciel et mer, sur lequel se dressent des quantités de voiles, barques de pêcheurs cherchant encore le poisson, paraissant flotter entre la cotonneuse lourdeur des nuages et la barre rigide de l'horizon, si bien qu'on ne sait plus si c'est le ciel ou l'océan. C'est un effet singulier, un peu fantomatique, comme de barques défuntes courant débordées dans des espèces de limbes, fantômes de bateaux qui auraient péri et que des ombres conduiraient. Le soleil baisse de plus en plus derrière l'épaisseur blafarde qui lui forme une sorte de linceul. La Marianne pêche, découpant la silhouette étrange de son équipage, en noir sur tout ce blanc. Hervé a terminé sa besogne de patron. Lagadec et Tréboule manient toujours les grands avirons. Puis, au bout de quelques instants, des centaines de bulles d'air crèvent à la surface. Un immense éclair d'argent luit entre deux eaux, et le filet coule à pic. Le poisson est pris. Doucement, il est retiré, et tandis qu'un autre est immédiatement placé à l'arrière pour le remplacer, on secoue le premier, brasse par brasse, sans toucher la sardine prise par les ouïes dans les mailles. Ils savent bien que le moindre contact de la main suffit pour l'abîmer. Peu à peu, tout le fond de la cale s'emplit, et une satisfaction douce flambe dans les faces de cuivre rouge de Kerbonne, de Lagadec, de Tréboule, de Guivarc et de Pierrick. On aura de fortes parts au retour. Le jour baisse, les filets sont tous ramassés, l'embarcation est pleine. On remet les mâts en place, on hisse les voiles, et la Marianne, s'inclinant sous la brise qui augmente, se dirige vers le Toulinguet, dont le profil se dessine au nord. Elle est encore à la hauteur des tas de poids lorsqu'une barque la rejoint et marche de conserve avec elle. « La sardine a donné, hein ?» lance une voix bienveillante. Le patron s'arrache à l'engourdissement qu'il avait couché à l'arrière, la barre du gouvernail sous son bras gauche dans une pose nonchalante. Il répond assez froidement. « Dans les 10 000 ?»« Diable !» fait l'autre. « Presque autant que nous, nous faisons 12 000. Mes compliments, Hervé. Te vois la fameux pêcheur, maintenant. »« Ah !» Un ton de mauvaise humeur, puis un marmonnement confus et tout à coup l'interrogation. « Quentin, j'ai à te parler. » Comme tu voudras. Le patron du canot de sauvetage donne un ordre. La Corentine vire légèrement et vient se coller bord à bord à la Marianne. Là, que veux-tu ? Guivarc hésite un instant, comme ruminant ce qu'il va dire. Il jette un coup d'œil méfiant à son équipage, tassé à l'avant. Pierrick, les dents plantées dans une miche de pain, dévore, sourd et aveugle à tout ce qui n'est pas son appétit. Tréboule surveille les voiles. Kerbonne et Lagadec commencent à préparer les paniers de sardines, comptant méthodiquement les poissons 5 par 5. Garrec s'est accoudé sur le bordage. Son camarade se penche vers lui, et les yeux dans les yeux brusquement. « Que penses-tu de la Marianique ? » Les joues du pêcheur ont un peu rougi. Sa bonne figure s'éclaire et très gai, il riposte. Que c'est une belle fille, voilà. Ah, une bonne fille aussi, comme on en voudrait une pour femme. Alors, c'est pour toi que tu parles, hein ? Fait Hervé, une colère s'amassant au fond de ses yeux troublés et ses doigts se crispant à la barre. Cela t'offenserait donc que je veuille ta cousine pour femme ? Il est tout étonné de cette flamme méchante qui jaillit des prunelles de son camarade et tombe sur lui. Guivarc, ne répondant pas, il poursuit. « Mais il y a déjà longtemps de cela. Tu n'étais pas ici que j'y songeais. » À cette allusion à son absence, le revenant baissa la tête, tout assombri, et ses dents se serrèrent. Oui, il gênait, il le sentait bien, et cela remuait de la haine dans son cœur, qu'on sembla le considérer comme un intrus. Pourtant, on ne pouvait pas l'empêcher de venir prendre sa place au pays natal, de vouloir aussi sa part d'air, de soleil, de bonheur, de vie dans cette société. Il se révoltait, se refusait à admettre que c'était lui qui, volontairement, pour des raisons inconnues, s'en était exilé durant tant d'années. Oh, ce naufrage maudit, sans ce naufrage. Tout, il eût tout accepté, tout enduré, mais quand ses passions étaient en jeu, il se rebellait. Cette fois, c'était de l'amour qu'il ressentait pour sa cousine. Il lui semblait impossible que cet amour ne fût pas réciproque, qu'elle ne vint pas à lui comme il allait à elle. C'était sa parente, elle était de son sang, de sa famille. Elle lui appartenait. En la prenant, on la lui volait. Jusqu'alors, en dépit de ce qu'il avait surpris, de ce qu'il avait entendu dire dans Camaret, il savait bien que rien de définitif n'avait été prononcé entre son oncle et Corentin, entre ce dernier et sa cousine. Aussi espérait-il beaucoup. Mais lui-même n'avait pas encore osé parler, rien révélé de cet âpre désir brûlant sa poitrine. Il enveloppait Marianique de sa secrète passion, sans l'avouer autrement que par des prévenances, son affection, la chaleur de ses paroles. Elle devait deviner, le comprendre. Les jours passant et n'amenant aucun événement, il s'était juré de s'en ouvrir directement à Garec, à la première occasion. Dans les pays où il avait vécu, cela s'arrangeait ainsi entre hommes, à eux de s'expliquer, de se battre au besoin, l'un supprimant l'autre. Un tas de mœurs sauvages dont le souvenir le dévorait remontait en lui en bouillonnement de lave volcanique. Devant la calme simplicité des réponses de Corentin, il ne savait que dire, honteux de sa fureur, de sa jalousie, il insinua. « Et si elle ne t'aime pas ?» Un large rire ouvrit la bouche de Garec, montrant ses solides dents blanches, faisant trembler ses joues bronzées. « Marianique, elle ? Ha ha ! Tu rêves, mon pauvre camarade ! Bien que nous ne nous soyons encore rien dit, il n'y a pas besoin de paroles entre nous pour se comprendre, va. Tu l'épouseras ? Dès qu'elle aura dit oui, ce sera fait, cousin !» Une gaieté nouvelle le prenait, en donnant ce nom à celui qui deviendrait ainsi son parent par ce mariage. Hervé ne répondit rien, mais il appuya si rudement sur la barre que la Marianne bondit, fit une brusque embardée et faillit chavirer. Les barques s'étaient séparées. Déjà la pointe du Grand Gouin dépassée, Camaret apparaissait dans le fond. Les derniers rayons du soleil couchant, rasant le sémaphore de Penhat, les hauteurs du Toulinguet, incendiaient la chapelle, le fortin et les falaises de Kellerne, tandis que les façades des maisons entraient dans l'ombre du soir. Le drapeau flottant au-dessus de la porte des usines indiquait qu'on achetait de la sardine. Comme de grands oiseaux domestiques, inhabitués à passer la nuit dehors, les unes après les autres, les barques camarétoises glissaient le long de la jetée et, en passant derrière le môle, les longues ailes jetaient un dernier flamboiement avant de se reployer dans le nid tranquille du port. Le revenant, arrivé avant Corentin, sauta sur le quai et, l'œil fixé sur les fenêtres du bureau du port, murmura, ironique, « Ce n'est pas encore fait !»